vous allez comprendre qu'aujourd'hui, Keneba essaye un peu de mettre de côté d'abord son problème d'or et lié à tout ce qui doit avoir ses problèmes d'environnement, mais de faire face à la MINUSMA. Keneba n'enregistre pas la présence des troupes de MINUSMA. Mais c'est une question nationale. C'est pour vous montrer, c'est pour vous dire que c'est le peuple malien dans son ensemble qui est en train de se retrouver. C'est ce que j'essaie d'expliquer un peu. Le frère Bassaro, c'est là, et je salue le frère Koné d'ailleurs qui vient de faire une très bonne intervention aussi. Maintenant, la MINUSMA partira, partira pas. C'est la question qui est sur la table. Elle partira. Parce que le dernier mot revient toujours au peuple malien. La MINUSMA, comprenez que même si vous venez de tuer un serpent, le serpent va s'agiter un peu, bien sûr, avant de rentrer là. Afrique Média, le monde, c'est nous.